When we are close, surrender. I'm almost in love tonight. I'm here under the spell of evening. I'm long to hold you tight. Your lips wet made for kisses so tender. I'm almost in love tonight. When we are close, my head sets so. Thank you. juste. Even now, even now. Thank you.

They're out. wasted, it's wasted. Hold on. Lost more comfortable. The second time you fall, like a film home. The second time you go, you can say what's wrong. Used to 64, c'est pas la peine. Thank you. Attendre, ne plus espérer, ne plus se laisser distraire, désarçonner, faire réfraction dans le présent. Petit à petit, plus se laisser distraire, désarçonner. Faire effraction, pousser, forcer la porte présent. He will know. He will know. I am promised we made. Here and now. Here and now. who adopted dear. Presence to da, da, da, da. On the scarlet sunrise, wrap the soul forever. Mountain river, where a silver tears does a quand on arrive en ville. Tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril. Ouais, ça fait peur à voir. On n'a pas l'air viril, mais ça fait peur à voir. Trace de rasoir.